Mon nom importe peu. Il ne changera pas grand-chose à ce que je vais vous dire. Le temps presse. Ils sont en train de défoncer la porte. D'ici me parviennent les lourds coups de bélier. Je me trouve au fond de la bibliothèque. Ils me coupent toute retraite. Je n'ai pas d'autre issue. Je suis devant un dossier au nom d'un certain Émile Barrez, archéologue et égyptologue français. À l'intérieur se trouve un rapport de la CIA de 1961, rédigé par un dénommé Jimmy Gary. Il est dit que le chercheur français a découvert en 1926 une chambre sous le fameux sphinx de Gizeh, en Égypte. Il semblerait qu'il n'en ait pas parlé à ses supérieurs. Au terme de ses recherches, il aurait déclaré qu'il n'y avait pas de cavité pour se protéger des autorités égyptiennes qui ne voulaient pas qu'une découverte remette en cause les fondements de leur société actuelle. Peut-être même l'origine du monde telle que nous la concevons. Le rapport s'arrête là. Je ne comprends pas. Ah, tant pis. Quelque chose dépasse de l'étagère. Un autre document. C'est aussi un rapport à la couverture totalement vierge. Soudain retentit un craquement. Le dossier m'échappe. La porte ne va pas tenir longtemps. Sur le sol, un carnet. Le journal de bord d'Émile Barrez. Voilà quelque chose d'intéressant. La première entrée date du 30 avril 1925. Il détaille son arrivée au pays des pharaons. Certainement, est-ce très intéressant, mais je n'ai pas le temps. Rapidement, je fais passer les pages. Soudain, mon regard est interpellé par des schémas étranges. Il dit qu'il aurait rapporté de sous le sphinx plusieurs objets étranges. Les illustrations, plus qu'approximatives, ne me semblent pas sortir de l'ordinaire. Quelques mots tracés à la hâte en bas de la page sont en partie effacés. Sortant un crayon et un morceau de papier de ma poche, la description des croquis, leur ancienneté défie les rêves les plus insensés et les cauchemars les plus infernaux. Parmi les reliques se trouvait un drôle d'objet métallique, une sorte de brassard ou de bracelet illuminé de lumière forte et inexpliquée, ainsi qu'un papyrus où étaient dessinés des signes contradictoires et inquiétants, préhistoriques mais d'une étrangeté familière. En plus de cela, Barrez mentionne un autre document. Le tout datait de... Quoi ? Non, c'est impossible que je sache. Je ne rêve pas. Pourtant, cela a l'air fallacieux, en totale contradiction avec les connaissances actuelles. Mes mains se crispèrent d'angoisse. Le délire. Il faut que j'accélère. Cette chose, je cite, était couverte d'illustrations représentant des plantes médicinales, témoignant d'un savoir bien trop avancé pour l'époque. Il y avait également des histoires et légendes, au dire de mon associé qui était... Il a essayé de m'aider à traduire cette langue d'une complexité surprenante, dépassant le sumérien en qualité et en précision. Un nouveau craquement. Il faut que je me dépêche. Vite ! Le rapport d'Aseya mentionne plusieurs copies traduites incomplètes du manuscrit. Elles seraient cachées dans le monde. L'une entre elles, entre les mains d'une organisation secrète nommée SWLDS. La version anglaise a été écrite par Jewel Howard. Il est indiqué plus bas dans le document qu'Émile Barrez est mort le 15 avril 1952 au Caire. L'un de ses employés de maison l'aurait retrouvé mort dans une étrange position. Ses yeux et sa bouche étaient grandes ouvertes, comme si quelque chose de terrible, d'inimaginable lui était apparu, si effrayant que son cœur n'a pas tenu. L'employé aurait également remarqué que son journal était ouvert devant lui, sur une page recouverte d'un dessin effrayant par sa vérité voilée et bouleversante. Mon cœur commence à s'accélérer. Au fil de ma lecture, ma curiosité grandit autant que le sentiment d'urgence. Je devais me cacher n'importe où, mais je ne peux détacher mon regard des pages usées du journal comme happé par une force oppressante qui me dépasse. Les coups redoublent d'effort. Ma voix gémit comme à l'agonie. La porte. Non ! Vite ! Juste une dernière ligne. Une dernière chose. Le dossier contient un livre d'Émile Barrez nommé Atlantis Origin, écrit de ses mains. La couverture du livre est en carton, d'un rouge menaçant. J'ai le sentiment qu'il m'invite à l'ouvrir. Au milieu de la couverture, un étrange signe est dessiné. Un triangle dans un cercle, le titre quant à lui était écrit en gros. Décoré d'enluminures dorées tel un manuscrit du Moyen-Âge. Quand j'ouvris le livre, une sensation de peur m'envahit. Un frisson si profond que je ne pus en déterminer la raison. La calligraphie du livre est si étrange que fixer les lettres me donne mal aux yeux, à tel point que la nausée m'envahit. La vérité se trouve peut-être devant moi, si monstrueuse, si immonde, menaçante qu'elle pourrait bien mettre ma vie en péril. J'avance dans cette lecture terrifiante. Je me méfie, mais la curiosité insatiable m'envahit, telle une puissance blasphématoire. La porte ne va pas tenir longtemps. Quelques secondes, juste quelques secondes de plus. La sueur dégouline sur mon visage. Les phrases se succèdent, les unes derrière les autres, dans un chaos insupportable. Ces phrases sont si insensées, si immondes, si blasphématoires qu'elles en deviennent évidentes et véridiques à ma vision devenue absurde. Il y a très longtemps, avant la construction des pyramides, alors que les civilisations n'étaient encore qu'à leur âge de pierre, il en était une, à son âge d'or. Mon esprit devient fou, oscillant entre terreur et folie. Cet homme est un génie, le plus grand aventurier qu'ait porté cette terre, un vieux sénile contant les récits merveilleux tirés de sa sombre folie qu'il tient pour vérité. Mais les descriptions rapportées sont si sensées, si bien écrites, qu'il me paraît impossible qu'elles soient inventées. La ville décrite est si splendide qu'elle dépasse Babylone en bien des points. La singularité du texte m'envahit maintenant de joie. Un désir impie m'emplit et me berce dans son histoire. Cela ne peut durer. L'illusion n'est que brouillard, occultant le désespoir. Finissons-en ! J'en suis certain maintenant. J'ai été trop loin. Je sais trop maintenant. Le symbole de l'ouvrage m'effrayait. Je me sens démuni. Cette chose me fit remonter une étrange sensation de familiarité repoussante, indéterminée. Une sensation de crainte et d'effroi, comme si j'étais lié par un pont indécis à chaque chose éternelle et invisible, comme un signe d'une prophétie, d'une pensée que je veux à tout prix effacer. Je n'ai plus beaucoup de temps. La porte ne va pas résister. Je saute de nouveau les pages par dizaines. Ma respiration s'accélère. La lecture m'emplit d'effroi. Je le savais. Mon espoir se mue en déception et ma crainte confirmée. Plus je continue à lire, plus le texte devient sombre, tandis qu'il devient incompréhensible. Je le comprends de mieux en mieux. La conviction se dévoile peu à peu. Je commence à trembler. Une frayeur angoissante m'envahit. Je suis trop renseigné. Mon heure est venue. D'autant plus que je suis arrivé trop tôt à un endroit trop personnel, trop sensible, trop dur. Des larmes coulent de mes yeux anéantis. Ce fut la plus grande terreur de ma vie. Pendant des millénaires, un œuf navigua sur les flots pour s'échouer sur la plage en libérant la descendance. Les pages qui suivirent étaient vides de textes, mais remplies de dessins païens, impies et inexpliqués. Je continue à le tourner, pris d'une frénésie indicible. Soudain, ma main s'arrêta sur une page. Le supplice, le désarroi sont à leur comble. Des larmes coulent de mes yeux, remplies de tristesse. C'est la plus grande terreur de ma vie, horrible, déchirante par sa violence frénétique. Cette prophétie, ce nouveau dessin qui réside, pérennisé devant mes yeux morbides et terrifiés. Je sais, c'est mort. La porte cède. Alors, le dernier mot. Non, lâchez-moi. Pitié, non. Ma voix se brise. Mes forces m'abandonnent. Ma conviction s'échappe. Aspiré par ce néant hideux, cette obscure clarté, je suis à la fois perdu et plus conscient que je ne l'ai jamais été.